un autre élément de la méthode, on utilise pas mal la conscience de différence, la conscience de différence. Les changements entre différentes sensations dans le temps, ça veut dire au début de séance, au milieu de séance, fin de séance, comment on sent, et les différences entre les différentes manières de sentir notre propre mouvement, notre propre relation avec le sol, et aussi les relations entre les deux côtés du corps, par exemple, une jambe, une autre, pour vraiment sentir nos différences, notre particularité, nos asymétries, qui sont normales, fait partie de la vie. Et ça aide le cerveau de comprendre qu'est-ce qui est en train de passer en nous, en fait, de sentir les différences. C'est une manière que le cerveau comprend mieux où on est dans l'espace et nos habitudes. Et on va commencer avec un petit moment juste de sentir votre contact général avec le sol. Quelle partie de vous est en contact avec le sol? Et posez votre attention sur les jambes droites. Notez quelle partie des jambes droites est en contact avec le sol. Et aussi, juste les qualités de sensation dans la jambe droite. Est-ce qu'il y a une sensation de légèreté, il est lourd, il est une petite douleur, je ne sais pas. C'est quoi dans les jambes droites? Quelles sensations? Et aussi, il y a la position des jambes. Et maintenant, de poser votre attention sur les jambes gauches. Et de noter les différences entre les deux. Par exemple, peut-être une différente partie de talon qui touche. Peut-être l'espace derrière les genoux n'est pas exactement le même. Peut-être une sens qu'une jambe est plus longue que l'autre. Peut-être il y a un qui est plus confortable que les autres. Et de poser votre attention sur le bassin et les deux hanches. Quand je dis les hanches, donc les articulations entre le bassin et les jambes. Et aussi dans cette région, qu'est-ce que vous avez comme sensation et qu'est-ce que vous avez comme sensation de différence entre les deux? Peut-être il y a un fessier qui est plus proche du sol, ou plus étalé. Peut-être il y a un hanche qui a une sensation d'être plus avancé, ou plus dur, et les autres plus légers, ou plus doux. Parfois, les gens sentent une différence de température, couleur. Et de noter l'espace derrière les lombaires. Ou peut-être les lombaires sont en contact avec le sol. Et portez votre attention sur les deux côtés de la lombaire et de noter s'il y a un côté qui est plus proche du sol que l'autre. Et au niveau du dorsal, quand vous portez votre attention dans les dorsales, est-ce qu'il y a un côté qui est plus étalé au sol? Parfois, dans les dorsales, dans les omoplates, on a la sensation de des pressions assez aiguës parfois. Il y a un appui au sol d'une partie de l'omoplate qui est très pointue parfois, parfois pas. Et en tout cas, souvent, il y a une différence entre le gauche et le droite. Et de noter comment vous avez posé vos bras. La position des bras, est-ce que les paumes de main sont orientées vers le sol ou vers la plateforme? Ça veut dire vers le sol ou vers le ciel, ou plutôt vers vous. Et de noter le contact avec les deux mains. Et de noter la forme de les deux mains qui va pas forcément la même. Peut-être c'est subtil la différence, ou peut-être c'est très, très facile à réparer ou à noter. Et assez doucement, roulez votre tête un petit peu vers la gauche et après un petit peu vers la droite, sans se forcer. De rouler la tête un petit peu vers la gauche et vers la droite. Et aussi, dans le mouvement, on peut avoir l'idée de noter les différences. Par exemple, est-ce qu'il y a un côté, quand vous roulez la tête, que c'est plus facile? C'est comme vous êtes en train de descendre, peut-être. Ou peut-être c'est une sensation sur un côté qu'il y a... Vous vite arrivez vers un moment qu'on... Si vous voulez continuer, même si ce n'est pas un gros effort en plus, ça demande un petit effort en plus. Et les autres côtés, moins. Roulez peut-être juste un petit peu, noter comment vous sentez-vous au niveau de la tête, au moment de la tête. Sans se forcer. Sans étirer. Sans tirer, ouais. On ne cherche pas la sensation de vraiment étirer. C'est juste roulé. Et laissez ça. Et prenez un moment de porter votre attention dans le processus de respiration, les mouvements de respiration. Et de laisser ça et d'allonger-vous sur le côté droit. Dans le mouvement, on a différentes surfaces dans lesquelles on est en train de travailler. Mettre un coussin sur la tête ou les choses pliées sur la tête ou de poser votre tête sur votre bras. C'est comme vous voulez, en fait. Vous pouvez aussi poser votre tête sur votre bras. On va voir au niveau de matelas et tout ça, comment ça marche. Parfois, c'est nécessaire de descendre vers le bas de le matelas pour... On va voir. Vous allez comprendre plus tard, peut-être, si vous avez besoin d'ajuster les choses. Mais de plier les genoux, comme vous êtes plus ou moins, et de poser les genoux... Le jambe et genou gauche derrière le genou droit au sol. Donc, si vous posez la jambe au sol derrière. Le genou est au sol le plus possible, proche. peut-être ça va demander de rouler un petit peu sur le, vers le ventre, vers le dos, ou de plier les genoux plus, hein, trouver une position mieux adaptée. Et de poser la main gauche au sol, la paume de main gauche au sol, quelque part. Et de, le mouvement qu'on va faire, c'est d'allonger la jambe gauche et de le replier. Donc, on va allonger et de replier, de revenir vers la position de départ. OK. Et de, on va répéter ce mouvement, comme on fait dans beaucoup de mouvements dans la matinée, doucement. Et en même temps que vous faites ce mouvement, de noter qu'est-ce qui passe au niveau du bassin, du dos. Peut-être ça va faire un mouvement dans les autres parties de vous. Ce n'est pas juste les jambes qui bougent, en fait, même si la consigne, c'est d'allonger les jambes. Il y a des mouvements qui passent aussi dans le dos. Et le plus possible, on laisse le poids des jambes au sol. On glisse les jambes au sol. Et je sais, avec certains matelas, ça peut être moins évident. Et certaines chaussettes. Si ça commence à vous gêner, vous pouvez aussi descendre vers le bas de votre matelas pour avoir le pied plutôt au sol pour glisser plus facilement. C'est une autre option. OK. Et de prendre une petite pause avec le, ouais, sur le côté. Si vous avez besoin d'une... un plus grand truc pour la tête, vous pouvez me dire, je peux porter. Oui, il y a ça aussi. Vous pouvez. Oui. Vous pouvez utiliser le coussin aussi, essayez, hein, c'est pas. Mais c'est important que la tête est plus ou moins confortable dans cette position. On a les autres matelas peut-être à prêter ici, je vois si vous avez besoin de quelque chose de plus épais. OK. Et on va reprendre ce mouvement de, on va allonger la jambe gauche. Oh, le mouvement, c'est d'allonger la jambe gauche. Et au même temps que vous allongez, en train d'allonger la jambe gauche, donc vous pouvez replier et réallonger, c'est de, la prochaine fois, pendant que vous allongez la jambe gauche, vous roulez le corps un petit peu vers le derrière, vers votre dos. Au même temps. Mais ce n'est pas de compliment allongé sur le dos, mais ça, c'est la direction de roulement. Et après, quand vous repliez le genou, vous repliez la jambe, vous reviennent vers la position de départ et vous roulez vers la position de départ. OK. De faire doucement le mouvement. Laisse la respiration continuer doucement. Ou peut-être vous, dans certains mouvements, peut-être parfois aussi une note, une ouverture dans la respiration. Et ça, c'est aussi bienvenu aussi s'il y a un mouvement dans les côtes, dans le ventre, dans le dos qui ouvre la respiration, dans plus d'espace pour la respiration, vous pouvez accueillir ça. Et la tête aussi va rouler un petit peu. C'est aussi pour ça qu'on a un coussin là. C'est que pendant qu'on roule vers le dos, la tête peut aussi rouler avec le corps. Donc c'est un peu comme tout va rouler ensemble. Et de prendre une pause sur le côté. Et pendant la pause sur le côté, trouvez une position qui est confortable pour vous. Et si ce n'est pas confortable de faire une pause sur le côté, vous avez toujours le droit de fais une pause dans une autre position, d'allonger sur le dos, sur le ventre, une autre position. Et maintenant, de reprendre ce mouvement, d'allonger la jambe gauche, mais cette fois-ci de rouler plutôt vers le ventre au même temps. Vers l'avant, donc de rouler dans l'autre direction. Et on roule dans cette direction pendant qu'on est en train d'allonger la jambe. On allonge la jambe. Et on replie les jambes, on revient sur le côté, la position de départ. Et de prendre une pause, allonger sur le côté. Oui, si vous êtes aussi invité parfois, si je dis prendre une pause, mais vous êtes dans une exploration qui est très intéressante pour vous, vous pouvez prendre une pause plus tard aussi. C'est juste pour savoir. En général, dans la méthode, je donne les pauses et vous pouvez prendre une pause avant et aussi vous pouvez continuer un petit mouvement pendant la pause aussi. Et maintenant, allongez-vous la jambe gauche et reste avec la jambe longue et de rouler vers le dos avec la jambe longue et de rouler un peu vers le ventre avec la jambe longue. Donc, vous restez avec toute la longueur de jambe. Et quand vous roulez vers le dos, les orteils vont rouler vers le ciel un petit peu. La jambe va ouvrir un peu vers le ciel. Et quand on roule vers le ventre, c'est plutôt le haut de pied qui va être au sol. Et c'est plutôt le talon qui va être un peu dans la direction de ciel. Mais force pas un grand mouvement, trouvez un mouvement qui est confortable. Et l'idée que c'est tout est en train de rouler ensemble. La tête, le dos, le jambe, facile, la respiration est douce. Très bien. Et de replie les jambes et de prendre une pause. Et de repose la jambe gauche derrière la jambe droite avec les jambes pliées. Et on va maintenant, avec les jambes gauche pliées, on va rouler un petit peu vers le dos. Et en même temps qu'on roule vers le dos, on va lever un petit peu les genoux, mais le pied va rester au sol. Et c'est un peu comme on va commencer de rouler vers une position avec les pieds qu'on est sur la plante de pied, comme on dit que de mettre sur le pied comme on est debout, dans le sens que on ouvre les genoux un peu vers le ciel. Et le genou le genou gauche est déplié. Et on revient vers le côté. Okay. Et on revient vers le côté droit. Et on va peut-être avoir besoin de plier un peu plus les jambes gauches pour avoir les jambes dans une bonne position. C'est à vous de voir. Et on va laisser les jambes droites au sol et tranquille. Donc, les jambes droites vraiment restent au sol. Le bassin va rouler vers derrière. C'est un mouvement, le bassin va bouger plus indépendant de la jambe droite. La jambe droite reste vraiment tranquille au sol. Et ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au vertical avec la jambe gauche. C'est plus important de laisser tranquille la jambe droite qui est au sol et de faire un mouvement qui est facile et confortable. Et de prendre une pause sur le côté. La jambe gauche derrière la jambe droite et le genou va rester au sol et on va lever le pied et rouler vers le ventre. Donc le torse, la tête va rouler vers le ventre et le genou reste au sol et la jambe droite reste tranquille. La jambe droite va rester tranquille. Et ça peut être un petit mouvement. Ce n'est pas nécessaire même que le pied complètement décolle du sol. Et après, on revient vers le côté. Et en tout cas, c'est un mouvement qui est basé sur une harmonisation de mouvement de la tête, le torse, le bassin. Donc, on lève le pied, mais c'est avec un roulement de tout le reste. Et maintenant, de faire un peu dans les deux directions. Ça veut dire qu'on roule vers le ventre et on lève le pied. Et rouler vers le dos, il lève un petit peu le genou. Les deux directions. Et un mouvement qui est doux, la respiration est doux. Et le genou... Quand on lève le pied, le genou reste au sol. Quand on est en train de rouler vers le ventre, on pose le genou gauche au sol. La jambe droite reste tranquille. Ce n'est pas nécessaire de faire un grand mouvement, un petit mouvement, et bien prendre les pauses. Et prendre une pause si tu sens même un tout petit peu de fatigue. Ou si ça tire, on prend une pause. Okay. Et de tout le monde prend une pause. Maintenant, on pose la jambe gauche derrière la jambe droite, qu'on vient de faire avec les jambes pliées. Et on va lever les genoux et rouler le bassin et le genou vers derrière, mais on va rouler la tête vers le sol. Ça veut dire qu'on va rouler le haut de torse et la tête dans une direction, et les jambes et le bassin dans l'autre. Et parce que ça, c'est un mouvement d'opposition, ça va être plus petit, et on va pas le forcer. Donc, on conseille de lever les genoux un petit peu, et on roule la tête pour regarder vers le sol. Et après, on revient au neutre. Et quand on est au neutre, plus ou moins la tête est orientée dans la même direction de la poitrine. Et après, on va poser les genoux au sol. On lève les pieds pour rouler le bassin vers le ventre. Et la tête va rouler pour regarder vers le ciel. Donc, on a ce mouvement d'opposition d'une direction opposée, et de faire doucement. Et vous avez toujours le droit de prendre une petite pause quand ce n'est pas clair et de repartir de rien, de repartir de moment de sans mouvement. Et souvent, le pôle va aussi aller peut-être avec la tête plutôt. Il peut aussi aller plus avec le bassin, mais peut-être c'est plus facile. Ça dépend pour qui, en fait. Mais c'est une autre aspect. Vous pouvez même choisir que le pôle aller plutôt avec le bassin et les jambes, ou peut aller plutôt avec la tête. OK, de prendre une pause. Et de nouveau, de allonger la jambe gauche. Et de rester avec la jambe gauche longue et commencer de rouler vers le dos et vers le ventre, mais avec tout ensemble. Que la tête va rouler pour regarder le ciel, qu'on roule vers le dos avec la jambe et qu'on roule vers le ventre. La tête va aussi rouler pour regarder vers le sol. Et cherche un mouvement qui est vraiment très confortable et facile. Et quand je dis que la jambe gauche est droite, ce n'est pas important qu'elle est complètement droite. C'est plus important qu'elle est confortable et longue que droite. La respiration est douce. La main gauche qui est au sol pour soutenir le mouvement aussi. Parfois, elle est là aussi de stabiliser, de participer si il y a des sens pour ça. Et la prochaine fois que vous roulez vers le dos, de rouler complètement sur le dos et de prendre une pause sur le dos. Peut-être vous avez besoin de repositionner, peut-être enlever le coussin pour la tête. C'est pour vous de voir. Et d'allonger les jambes et les bras à côté de vous. Et de prendre un moment de sentir votre côté gauche et droite. votre contact avec le sol, l'espace pour la respiration, le sens de longueur de la deux jambes. Parfois, on a un sens de différence au niveau des contacts. Parfois, on a un sens de peut-être un côté est plus tranquille que les autres. Donc, il y a beaucoup de possibilités au niveau des différences. Et comme j'ai dit dans la méthode, on utilise cette idée de différence entre les côtés, mais aussi dans le temps. Donc, on avait fait pas mal de mouvements allongés sur un côté. Les deux côtés de vous étaient impliqués dans le mouvement, mais vous avez utilisé d'une manière très différente. Et votre attention était posée plutôt sur le côté gauche, peut-être pendant tous les mouvements. Et peut-être il y a un effet. OK. Et roulez la tête un petit peu vers la gauche et vers la droite. Aussi avec cette question de comment je sens maintenant. Et peut-être les deux directions sont plus faciles. Peut-être il y a une direction qui est plus claire maintenant. Peut-être il n'y a aucune différence entre le début de séance et maintenant. Okay. Laissez ça. Et allongé sur le côté gauche. Et posez votre genou droit derrière le genou gauche. La main droite au sol. Et allongez votre jambe droite et le repliez. Avec l'idée que le plus possible, le poids de le pied, le poids de la jambe reste soutenu par le sol. Pour aussi différencier entre l'effort nécessaire d'allonger la jambe et de lever la jambe, de lever la jambe. Il y a une différence d'effort. Le plus possible, on ne fait que l'effort d'allonger la jambe. Et portez votre attention au niveau de dos, bassin, tête peut-être, et juste notez le mouvement dans cette région qui passe pendant ce processus d'allonger les jambes. Peut-être un mouvement des côtes. Et peut-être il y a déjà pour vous un petit roulement qui commence. Peut-être vous êtes en train de rouler un petit peu vers le dos, qu'on vous allonge les jambes. Peut-être de rouler vers le ventre. Et choisir une direction de roulement et commencer d'explorer ça pendant que vous allongez la jambe, vous roulez soit vers le dos, soit vers le ventre. Et la tête va regarder, va rouler aussi, pour soit regarder un peu plus vers le sol, ou soit regarder un peu plus vers le ciel. Et pour l'instant, quand vous roulez tout ensemble, ça veut dire que Si vous êtes en train de rouler vers le dos, pendant que vous êtes en train d'allonger les jambes, vous aussi va rouler la tête pour regarder vers le ciel. L'idée que c'est tout roule ensemble. Et de prendre une petite pause. Maintenant, d'allonger les jambes et de rouler dans les autres directions. Donc, si vous avez exploré plutôt un roulement vers le dos, maintenant, roulez vers le ventre, l'inverse. Donc, ça dépend de votre exploration avant. Et c'est pendant que vous êtes en train de allonger ou plier les jambes que vous êtes en train de rouler. C'est simultané. Et ça peut être même fait une sorte d'aide pour rouler et pour allonger. Vous avez le droit de faire une pause. Si quelque chose n'est pas confortable, essayez dans l'imagination. Et prendre une pause, allonger sur le côté. Et juste noter votre état. Et pensez à le mouvement que vous venez de faire. Et juste notez s'il y a un moment que vous avez vécu qui n'était pas confortable. Juste notez ça et pose des questions. Est-ce que j'avais forcé les choses? Même un petit peu. Juste notez. Parce que ça peut nous aider de peut-être pas le faire dans les prochaines explorations. C'est aussi une des fonctions des pauses. Ça, dans la vie et dans la méthode Feldenkrais, on prend une pause. Parfois, on rend compte de la manière qu'on avait fait nos actions avant. Quel effort on avait utilisé, peut-être la force en plus qu'on avait utilisé. Et de repose la jambe droite derrière la jambe gauche, comme on avait fait. Et avec les jambes pliées, de conseiller de rouler vers le dos et de lever le genou vers le ciel. Et on conseille d'orienter la plante des pieds vers le sol, comme nous envie. Peut-être même utiliser le pied. Et après, on roule sur le côté de nouveau. Les jambes gauches restent tranquilles. Et ça veut dire aussi que peut-être on ne va pas aller jusqu'au vertical avec la jambe droite. Parce que nous envie que les jambes gauches restent au sol. Et la tête, les côtes va aussi rouler les mains, les bras et là-bas pour vous soutenir aussi. Si besoin, ça dépend de... Okay. Pour l'instant, la jambe va rester pliée, la jambe droite. Et maintenant, de faire dans les autres directions. Ça veut dire qu'on pose les genoux au sol et on roule vers le ventre et on lève les pieds vers le ciel. Et il y a différentes choses qui peuvent jouer aussi dans ça. Les genoux, les jambes, les quantités de plis qu'on a dans le genou droit va changer peut-être l'orientation de pied. Et aussi, si les deux jambes sont très pliées ou pas, au niveau des hanches, ça va changer un petit peu aussi la forme de mouvement, les possibilités. Et pour l'instant, tu fais des mouvements de hanche neutre, ça veut dire sur le côté, et de lève le pied. Juste de clarifier ça d'abord. On roule vers le ventre, le genou est posé au sol, ou peut-être sur l'autre jambe, ça dépend, c'est peut-être, pour certains, c'est plus confortable de poser le genou droit sur le mollet ou un endroit comme ça. Et maintenant, d'aller entre les deux, ça veut dire qu'on roule vers le dos et les genoux viennent d'être orientés vers le ciel. Et on roule vers le ventre et on lève le pied un petit peu, le pied droit va décoller, en rotation interne de la jambe droite, et après on roule dans la direction du dos, on pose le pied au sol et on lève le genou, qu'on roule vers le dos, on pose le pied au sol, et c'est le genou qui va aller vers le ciel, qui va ouvrir, on ouvre la jambe vers le ciel. Tranquille, très doux. Prendre une pause, position confortable sur le côté. Maintenant, allonger la jambe droite et de replier. Comme on avait fait le premier mouvement, on va allonger la jambe et de replier. On commence avec la jambe droite derrière la jambe gauche. Et de noter le mouvement du torse, vous pouvez rouler un petit peu dedans. Et restez avec la jambe droite longue et commencez de rouler vers le dos. Ça veut dire que les orteils vont commencer de rouler vers le ciel, le talon est au sol. Et après, de rouler sur le côté. Et de rouler vers le ventre. C'est le haut de pied qui... qui va toucher le sol plus, si c'est le talon qui allait un peu vers le ciel. Et de vraiment chercher un mouvement qui est tout coordonné sur toute la longueur de le côté droit. Que c'est vraiment tout ensemble, la tête, l'épaule, le bassin, la jambe, les orteils, le nez, les yeux, la respiration. De prendre une pause sur le côté. Et maintenant, allongez votre jambe droite et de rouler la jambe et le bassin vers derrière, mais le visage vers le ventre, vers le sol. Donc la tête va rouler dans la direction opposée de la jambe. Et fais un mouvement qui est petit au début pour vraiment clarifier, et après rouler la jambe vers le ventre, vers l'avant, ça veut dire que le haut des pieds va toucher le sol et la tête va rouler pour regarder vers le ciel. Et fais un petit mouvement lente et simultanée. Et cette idée de trouver la manière que le bassin et la jambe roulent dans une direction et la tête dans l'autre. Et c'est vraiment simultané, c'est pas un et après l'autre. On cherche vraiment que de trouver cette manière. Et c'est pas important qu'il ait un grand mouvement, c'est beaucoup plus important qu'il ait simultané et lente et confortable. Et d'ajouter la conscience de Paul et de noter si le Paul est en train d'aller plutôt avec la tête ou le bassin. Ça, c'est une autre manière de dire ça, c'est où est le centre de torsion de cette spirale. Et après de changer. Si le pôle allait plutôt avec la tête, fait que dans une manière que le pôle allait plutôt avec le bassin. Ça veut dire que le pôle et le bassin vers derrière, mais la tête vers devant. Ou si le bassin et le pôle allaient vers devant, la tête vers derrière. Ou si c'était déjà comme ça pour vous, de fait plutôt que la tête et le pôle bougent ensemble, compte le mouvement de direction de jambes bassin. Ça peut être un tout petit mouvement. Ce n'est pas important de la taille du tout. On travaille beaucoup plus avec les consciences des possibilités et de commencer à organiser les différentes possibilités dans notre système nerveux. Même dans l'imagination, ça peut marcher. et de nouveau roule tout ensemble. Trouve une manière de rouler tout ensemble. Très facile. Tout roule vers le dos. Tout roule vers le ventre. La respiration est douce. Et si c'est aussi, vous pouvez faire ça même dans l'imagination. De prendre une petite pause et de faire le mouvement du départ, juste à allonger les jambes et de replier un petit peu, un fois, deux fois. Et après, d'allonger les jambes et de rouler sur le dos, pour prendre une pause sur le dos. Peut-être c'est un mouvement d'allonger les jambes et de rouler en même temps, mais d'allonger-vous sur le dos. Peut-être enlever votre coussin pour la tête, allonger les jambes et les bras. J'ai dit peut-être pour la tête parce que parfois, ça donne, surtout si on a commencé la séance allongée sans coussin pour la tête, c'est intéressant aussi peut-être de finir la séance sans coussin pour voir une différence, mais vous avez toujours le droit dans les séances d'adapter la séance pour votre confort. Donc si vous avez besoin d'avoir un truc sous la tête pour être confortable et si ça coince quelque part, vous avez toujours le droit d'utiliser un coussin ou quelque chose. Et portez votre attention maintenant sur votre contact avec le sol. L'espace entre le bas du dos et le sol. De manière que le bassin est posé au sol. La longueur de les deux jambes et la manière qu'ils sont posés. Et aussi les contacts dans le dorsal et les omoplates. Rouler la tête un peu vers la gauche et vers la droite pour sentir la qualité du mouvement, la facilité du mouvement. Okay. Laissez ça et prendre le temps de rouler sur un côté ou l'autre et pour se mettre debout. Prendre du temps nécessaire pour le faire. Et quand vous arrivez debout, de se mettre debout sur une surface qui est plutôt dure. Donc, ça veut dire que si vous avez surtout un matelas qui est mou, de poser vos deux pieds d'abord sur le sol pour avoir une opportunité aussi de sentir les effets de cette expression qu'on vous êtes vertical. Votre sens de la manière que le bassin est posé sur les pieds, le bas du dos, la tête. Et d'appuyer un peu plus sur un pied et l'autre, donc de basculer sur un pied et l'autre, d'abord, juste pour sentir un petit peu comment vous êtes au-dessous de chaque pied. Et c'est une leçon qui est assez intéressante, peut-être aussi de marcher un petit peu en conscience, juste pour finir. Oui, quand je dis en conscience, ça ne veut pas forcément dire lentement. Ça peut être lent, mais aussi ça peut être une marche normale au niveau de vitesse. Et juste noter comment vous êtes sur les deux jambes, le sens de l'équilibre ou de réorganisation des mouvements. Parfois, les séances sont un peu perturbantes de nos habitudes de mouvement. Peut-être il est perturbant, mais plus confortable. OK. Et on va finir avec ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je crois que les prochaines fois, je vais allumer une petite lumière avant qu'on commence. Ça commence à faire un peu... des problèmes à partout.